بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رأينا في الدرس الماضي خلاف العلماء في وقت دخول العشاء. Nous avons vu lors du dernier cours la divergence qu'il y a entre les savants concernant le début du temps du Isha. واليوم نتكلم على آخر وقت العشاء. Et aujourd'hui nous allons aborder la fin du temps du Isha. فما هي أقوال العلماء في هذه المسألة. Et donc quels sont les différents avis des savants concernant ce sujet. اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. Les savants ont divergé sur trois avis. الأول أنه إلى ثلث الليل الاختيار وإلى طلوع الفجر الاضطرار. Et donc, le premier avis, c'est que la prière du Fajr, la prière du Isha, elle dure jusqu'au premier tiers de la nuit. Jusqu'au premier tiers de la nuit. Mais c'est le temps durant lequel les gens ont le choix. Et après cela, donc, du tiers de la nuit jusqu'au lever du Fajr, elle idtira. C'est pour ceux qui n'ont pas le choix. Pour ceux qui n'ont pas le choix. C'est-à-dire les malades, la femme menstruée qui s'est purifiée, le non-musulman qui s'est converti, ou autre. Ça, c'est le premier avis. Wa hadha qawl al-imam al-Shafi'i wa huwa al-mashhur min madhhab Malik wa Ahmed. Et donc cet avis est l'avis de l'imam al-Shafi'i et c'est l'avis le plus connu de l'imam Malik et de l'imam Ahmed. القول الثاني أنه أو وقت العشاء يمتد إلى نصف الليل للاختيار للاختيار وإلى طلوع الفجر للاضطرار. Et donc le deuxième avis, c'est que le temps du Isha, il va jusqu'à la moitié de la nuit pour ceux qui ont le choix. Ceux qui ont le choix, jusqu'à la moitié de la nuit. Et pour jusqu'au lever du Fajr, pour ceux qui n'ont pas le choix, les malades, etc. Et cet avis, donc, « وَهَذَا هُوَا قَوْلْ الْإِمَمْ أَحْمَدْ وَأَبِي حَنِيفَ » Et donc c'est l'avis de l'imam Ahmed et de l'imam Abu Hanifa. « وَالْقَوْلْ الثَّالِثْ مَنْسُوب إِلَى دَاوُدْ الظَّاهِرِ » Et donc le troisième avis qui a été attribué à Daoud al-Zahiri, أي أن العشاء يمتد إلى الفجر. C'est que le temps du Isha, il va jusqu'au Fajr. Tu peux prier jusqu'au lever du Fajr. Voilà les trois avis les plus connus du sujet. طيب, comment est-ce que tu fais pour savoir كيف تعرف نصف الليل ثلث الليل كيف تعرف. Comment tu fais pour savoir ça? Non. El Maghrib. Et donc tu comptes le nombre d'heures qu'il y a. Anta ta'uddu sa'at bayn al Maghrib wa al Fajr. Fa in aradta an ta'rif an nisf taqsimuha ala ithnayn. Tu comptes le nombre d'heures qu'il y a entre le Maghrib et le Fajr. Si tu veux savoir la moitié, alors tu divises en deux. Si tu veux savoir le tiers, el thuluth, par trois. Tayyib. فما هي أدلة القول الأول؟ فمن أدلتهم حديث أبي موسى رضي الله عنه في صحيح مسلم قال ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل. Et donc parmi les preuves du premier avis, c'est-à-dire ceux qui voient que c'est jusqu'au tiers de la nuit, il y a donc le hadith de Abu Moussa dans Sahih Muslim, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait tarder la prière jusqu'au tiers de la nuit. Jusqu'au tiers de la nuit. Wa kadhalika hadith imamati Jibril. فإنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني عند ثلث الليل الأول. Et donc, aussi parmi les preuves, il y a le hadith de Jibril, le hadith qui montre que Jibril a prié avec le prophète صلى الله عليه وسلم à la Mecque. Et dans ce hadith, il est stipulé donc que Jibril, il a prié avec lui le deuxième jour, la prière du Isha, au tiers de la nuit. Au premier tiers de la nuit. Et donc ils ont dit que le temps du Isha va jusqu'à ce moment-là, jusqu'au premier tiers de la nuit. Fekolu, inna waqt al-Isha ila thuluthi al-layl. Taïb, adilla tul qawli thani. Et donc l'épreuve du deuxième avis, c'est quoi le deuxième avis? Jusqu'à la moitié de la nuit. Et donc le deuxième avis jusqu'à la moitié de la nuit, il a nusful layl. Min adillatihim ma akhrajahu al-Imam Muslim fi sahihihi an Abdullah ibn Amr anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala wa waqtu al-isha'i ila nusful layl. Et donc parmi leurs preuves, il y a le hadith de Abdullah ibn Amr dans Sahih et Muslim qui stipule que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et certes, le temps du Isha va jusqu'à la moitié de la nuit. » Le temps du Isha va jusqu'à la moitié de la nuit. « Ila nisful layl. » Fait qu'on ou idhan, « Waqtul Isha, ila nisful layl. » Ils ont dit « Et donc, le temps du Isha est jusqu'à la moitié de la nuit. » Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Adillatul qawl al-thalith. C'est quoi le troisième avis? Ma huwa al-qawl al-thalith? Ila al-fajr. Min adillatihim. Hadith Aisha fi sahih Muslim aidan. Qalat a'tama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dhat laylatin hatta ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. Et donc parmi leurs preuves, il y a le hadith de Aïcha dans Sahih Muslim qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait retarder la prière cette nuit jusqu'à ce que Ammatul Layl soit parti, soit déjà passé. Taïb, même en Ammatul Layl. Kullal Layl. La plupart. Akthar. Muttafiqun. Ammatul Layl. Certains ont expliqué et ont dit c'est, surtout donc pour cet avis, ils disent la majeure partie de la nuit. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait retarder le temps du Isha jusqu'à ce que la majeure partie de la nuit soit déjà passée. Hatta dhahaba aktharu al-layl. Et que les gens de la mosquée aient dormi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti et a prié, puis a dit c'est certes son temps, innahu la waqtuha. Laoula an ashukka ala ummati. C'est certes son temps, le temps du Isha, si il n'y avait pas de difficulté pour ma communauté. Si je ne mettais pas de difficulté envers ma communauté, ça serait certes son temps, le temps du Isha. Et donc ils ont dit Ammatul Layl. Idhan salla an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ba'da nisfi al-layl. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié après la moitié de la nuit. D'accord? Et donc, on peut aller jusqu'au Fajr. Deuxième dalil. Ad-dalil al-thani. Akhrajahu aidan al-imam muslim في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنه ليس في النوم تفريط وإنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. Dans Sahih Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Il n'y a pas de négligence dans le fait de dormir. » Mais certes, la négligence, elle est dans le fait que la personne n'ait pas accompli la prière. Dans le fait que la personne n'ait pas accompli la prière jusqu'à ce que vienne le temps de la prière suivante. Jusqu'à ce que vienne le temps de la prière suivante. Ils ont dit « Idhan » وقت الصلاة الأخرى الصبح فلا تفريط إلى الصبح. Ils ont dit donc la prière suivante c'est le Fajr et donc il n'y a pas de négligence jusqu'au Fajr. Le temps du Isha c'est du Isha jusqu'au Fajr. D'accord? Du début du Isha jusqu'au Fajr. طيب. فهذا الخلاف يا إخوة قوي بين أهل العلم. كما ترون كلهم أو كل طائفة معها أدلة صحيحة. Et donc, c'est une grosse divergence entre les gens de science. Comme vous pouvez le constater, chaque groupe a des preuves authentiques, des grosses preuves. C'est la Bouddha min al-Jam'. Al-Jumhur, Kalu ila Thuluth. Al-Jumhur, ils ont dit jusqu'au premier tiers. Fait la Bouddha min al-Jam. On est obligé de rassembler tous les textes. والذي أميل إليه والله أعلم هو قول أبي حنيفة وأحمد. Et l'avis vers lequel je penche le plus, et Allah est plus savant, est l'avis de أبي حنيفة, de l'imam أبي حنيفة et l'imam أحمد. أن وقت العشاء إلى نصف الليل للإختيار وما بعده للإضطرار. C'est-à-dire que le temps du Isha, il va jusqu'à la moitié de la nuit pour ceux qui ont le choix et jusqu'au lever du Sobh pour ceux qui n'ont pas le choix, femmes menstruées et autres. فأما الأدلة التي فيها ذكر الثلث. Et donc qu'est-ce qu'on fait avec les preuves qui citent jusqu'au tiers de la nuit? Qu'est-ce qu'on fait avec ces preuves-là? فَيُقَالُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ يُصَلِّي فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ تَسْهِيلًا عَلَى الْأُمَّةِ لَكِنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَهَا إِلَى بَعْدِ ذَلِكَ كَمَا فِي قَوْلِهِ إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ. Et donc, on dit, toutes les preuves qui montrent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a prié au tiers de la nuit, le premier tiers de la nuit, on dit de cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a effectivement prié à ce moment-là pour faciliter à la communauté. Cependant, il aimait et il préférait le fait de retarder le temps de la prière. Comme lorsqu'il a fait retarder son temps et qu'il a dit, c'est certes ce moment-là, son temps, si seulement il n'y avait pas en cela une difficulté pour la communauté. Et donc, oui, il priait au tiers de la nuit. Mais est-ce que ça veut dire que le temps du Isha va jusqu'au tiers de la nuit? Non. Et donc, attention. Amma hadithu Aisha. Vous allez me dire, ya Abdelkarim, le hadith de Aisha. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أو أخر الصلاة حتى ذهب عامة الليل. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a fait retarder la salat jusqu'à ce que la majeure partie de la nuit soit passée. La majeure partie de la nuit c'est après le sous layl. Est-ce que tu vas me dire que le prophète صلى الله عليه وسلم il a fait tarder donc le temps de la prière jusqu'à ce qu'elle sorte de son temps et qu'on entre dans le temps? Al-Ittira, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas le choix. La réponse à cela est dans l'explication de Sahih Muslim. Al-Hafiz al-Nawawi, rahimahullah, lahu kalamun jamil fi hadha al-bab. Al-Hafiz al-Nawawi, il a une très belle parole là-dessus. Il dit, Ammatul layl, laysa al-murad aktharul layl. Il dit, Ammatul layl, ici, ça ne veut pas dire la majeure partie de la nuit. Ça ne veut pas dire la majeure partie de la nuit. Il dit, Ammatul layl, al-ma'na huna, kithirun minhu. Ça veut dire un bon moment de la nuit est déjà passé. Mais il dit, tu ne peux pas dire que c'est plus de la moitié. Tu ne peux pas dire, la yumkinuka antakul annahu yatajawaz nisf al-layl. Il dit, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi tu ne peux pas dire ça? Tu ne peux pas dire que ça dépasse la moitié de la nuit. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là, il dit, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama salla fi dhalika al-waqt. ثم قال إنه لا وقتها وليس هناك أحد من العلماء من يرى استحباب تأخير الصلاة إلى بعد منتصف الليل. Il dit parce que c'est à ce moment-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est sorti. Il est sorti donc à ce moment-là et il a prié et ensuite il a dit c'est certes ce moment-là le temps du Isha. C'est à son temps. Et il n'y a aucun savant qui dit qu'il est recommandé d'accomplir la prière après la moitié de la nuit. Aucun savant. Si on dit que le prophète, dans ce hadith-là, il a prié après la moitié de la nuit, à ce moment-là, il faut dire aussi qu'il est recommandé de prier après la moitié de la nuit. Parce qu'il a dit « Innahu la waqtuha ». Il a dit, c'est ça, c'est son temps. Mais il n'y a pas de savant qui dit ça. Et donc, ce qui est voulu par là, c'est une bonne partie de la nuit. Une bonne partie de la nuit. Puis, il a prié. Et donc, on ne peut pas s'utiliser... Donc, Al-Hafidh al-Nawawi, il dit, tu ne peux pas utiliser ce hadith pour dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dépassé la moitié de la nuit. Vous allez me dire, Tab, ya Abdel Karim, le hadith... Dans Sahih Muslim, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala laysa fi an-nawmi tafrit. Le prophète qui dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de négligence dans le fait de dormir. Innama at-tafritu liman akhara salat liman lam yusalli hatta yaji'a waqtu salati al-ukhra, waqtu salati al-ukhra. Certes, la négligence elle concerne celui qui ne va pas prier jusqu'à ce que vienne le temps de la prière suivante. Vous allez me dire, qu'est-ce que tu dis là, pour ce hadith-là? On va vous dire, « Hada lil ittirar ». On va vous dire, ça c'est pour ceux qui n'ont pas le choix. On n'a pas dit que c'est jusqu'à la moitié de la nuit, c'est tout. On a dit jusqu'à la moitié de la nuit. Pourquoi? Parce que le prophète, il a dit, « Wa waqtul isha ila nisful layl ». Parce que le prophète, il a dit, « Le temps du isha va jusqu'à la moitié de la nuit. » Taïb. Et qu'est-ce que tu fais avec ce hadith-là qui montre que ça va jusqu'au Fajr? Al-Ittirar. Pour ceux qui n'ont pas le choix. Comme on a fait pour... Quelle salat? Al-Asr. Voilà. Pour l'Asr, on a fait la même chose. Et donc là, c'est la même chose. Et donc voilà par rapport à... Donc aux divergences des savants concernant la prière du Isha. Et je répète encore, c'est une grosse divergence. Voilà pourquoi le mieux, les frères, c'est évite de prier après la moitié de la nuit et alhamdoulilah, t'es sorti de la divergence. Enfin, t'es sorti déjà de deux avis. Tu vas prier au tiers de la nuit? Cet avis-là, je dirais, c'est le moins fort. Pourquoi c'est le moins fort? Parce qu'il y a des preuves claires qui montrent qu'il a prié, sallallahu alayhi wa sallam, après cela. Il y a des preuves claires qui montrent qu'il a prié après cela. Donc, voilà par rapport à cette divergence. Jazakumullahu khairan. On va continuer donc l'explication du chapitre du livre de la prière demain, bi'idhnillahi ta'ala. On va passer au hadith suivant. Wafakallahu al-jami'a lima yuhibbuhu wa arda. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan.